vous dites ça de même, là, pis moi, là, ce serait Isabelle Desjardins dans le summum à tous les mois, pis je serais abonné. Elle aurait besoin d'une job de saint. Ah, je suis pas d'accord. Ah oui. Ah, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Ah, oui, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui seraient d'accord avec moi. Ah, je la trouve. C'est le genre de fille qui aurait besoin d'une job de saint. Pas une job de saint extravagante, une job, tu sais, quand même bien faite. Pour s'en rajouter un peu. Ah, je la trouve belle. Il y a pas rien d'autre à dire. Là, pas qu'elle est pas belle, mais je trouve que ça c'est ça qui manque. Maintenant un peu là, check cette photo là, c'est proportionnel. Ouais, mais celle-là là que tu me montres, c'est une photo où le costume de bain, je pense, est faite de même. Est faite comme ça là. Ouais, ouais. C'est un one piece avec un balconnet là. Mais en tout cas, avec toutes les bikinis qu'elle a sur ses photos là, je t'annonce que je l'amène en vacances anytime. Ah oui. Non, je la trouve belle cette fille là, moi. Elle c'est l'enfer. Quoi d'animal d'en face? Ouais. C'est pour ça que la poitrine... Shape de panthère, ça doit être ça. C'est ça, c'est parce qu'elle a une belle shape. Je trouve que c'est ça qui manque. Mm. T'as-tu un problème avec les seins refaits, toi, Denis? Non. Non. J'ai déjà essayé. Ça me dérange pas. Okay. Parce que... Regarde, je vais te le dire exactement comme je le pense, là. Ça me dérange pas, mais ça m'excite pas non plus. Tu comprends? Mais t'as déjà touché, là. Oui. OK. Oui. OK. Oui. Okay. Oui. Parce que j'ai déjà fait ça, ma blonde. J'ai déjà dit, gars, José, après 3 enfants, puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Tu sais, jamais. C'était-tu avant le 3e enfant ou c'est parce que le résultat après 3 enfants te satisfaisait pas? Non, c'est une conversation. Ben, de toute façon, regarde, n'importe quelle fille après 3 enfants, allaitée, peut-être arriver d'une réflexion de se dire, est-ce que je m'en fais poser ou pas? Moi, j'ai rien contre ça. Ma blonde, ça a pas l'air de l'intéresser. On s'est jamais rendu, tu sais, à vraiment le magasiner puis tout ça, mais moi j'ai rien contre ça. Tu sais, il y en a qui feraient jamais faire ça à leur blonde, puis ils vont dire que c'est le début de la fin. L'optique où une fille après 3 enfants a le goût, se trouve moins belle pour une raison ou pour une autre. Puis regarde, ça pour moi c'est pas du tout la même dynamique qu'une fille qui arrive à 20, 22, 24 ans, puis qui se dit moi je me fais poser une paire de seins. Puis souvent je parle à des filles qui sont belles, bon Dieu, puis qui ont de l'air. Regarde, je les ai pas toutes vues, mais qui ont l'air d'avoir des beaux seins, mettons, là, puis qui veulent s'en faire poser, puis c'est moi qui essaye de leur dire, ben voyons, pourquoi tu veux te faire poser ça, ça n'a pas de bon sens. Et je trouve que Isabelle Desjardins rentre dans cette catégorie-là. Je vois le contraire. Elle a la shape, elle a tout ce qu'il faut, mais elle a une trop petite poitrine. C'est quoi une trop petite poitrine? Ben là, écoute, c'est comme Isabelle Desjardins. Achetez le summum, vous allez voir. Achetez le summum, vous allez voir c'est quoi, tu sais. Ouais, mais là, il y a une espèce de tangente pour les filles de 18 ans que tout l'argent qu'ils ont gagné entre leurs 16 ans puis leurs 18 ans, c'est pour se mettre sur une poitrine. Mais puis. Moi, ça me fait halluciner. Ben, ouais, mais c'est parce que t'as pas fini de grandir. Ceux qui font les carrés rouges, hein. Ils s'en vont dans le sud en bikini puis ils se font poser des boules. Ouais. J'ai pas les mêmes seins là que quand j'avais 18 ans puis dans ma tête ils vont en s'améliorant là. Ouais. Je me dis crime quand tu fais ça à 18, t'es encore une enfant. Est-ce que les seins d'une femme, t'es en train de me dire que les seins d'une femme vont en s'améliorant en vieillissant? Ben, moi je trouve filles, que en général les femmes. Peux-tu m'expliquer physiquement ça là? Comment tu dis que ta poitrine s'est améliorée depuis que 19 ans? Parce que moi là, juste avant là, il y a un point bien précis. Mais en général les filles, vous êtes de plus en plus belles à 35-40. Moi, une fille de 35-40 m'attire bien plus qu'une petite fille de 23 ans, là. Elle a quel âge? Mais sur les seins, je veux t'entendre là-dessus, Véro. Elle est née en 84, fait que... Faut qu'elle lâche qu'elle a, là, mais elle m'attire beaucoup. Dans ces eaux-là. Non, mais tu sais, avec les années, je trouve que j'ai pris du gap, j'ai pris de l'assurance en plus de ça. Fait que tu sais, je vais pas... Tu sais, comment je te dirais ça? Je vais m'assumer plus. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je trouvais que j'avais des petits seins. Le fait d'avoir une meilleure tenue, mettons, d'avoir plus d'assurance, plus de ça fait paraître des seins plus beaux. Plus, oui, ben oui. Je peux acheter ça. Je trouve qu'en vieillissant, tu sais, je les porte mieux, ça se dit tout ça. Puis, tu sais, la gravité fait pas son œuvre. Puis moi, en bikini, je m'assume au bout. Ben nous autres, c'est pareil. On prend de l'assurance avec le temps, puis nos badanes paraissent plus grosses. Non, nos pecs paraissent plus. C'est les pecs. Nos pecs, ben oui. À 18, 19 ans, aller me promener en bikini la première fois, j'ai trouvé ça top. Pour vrai? Ben oui. Ben voyons. Ben parce que, tu sais, tu vous êtes complexés pour rien, vous autres. L'enfer. Regarde-nous, Véro. Arrêtez d'être complexé, regarde-nous, puis Denis, on se promène en Badène. Depuis que je travaille avec vous autres, j'ai beaucoup moins de complexes. T'as perdu des complexes. Mais tu sais, c'est pour ça que je me dis, je comprends qu'une femme qui a eu des enfants, ou il y en a que simplement en vieillissant, la poitrine sera vraiment plus la même. Je vais comprendre vouloir avoir une chirurgie. Mais quand t'es encore toute jeune, toute pimpante, que t'es encore le temps d'avoir de la drive, je trippe moins pour eux autres. Je trouve que ça dépend des filles. C'est pas tout le monde qui vieillit bien, puis ça va peut-être avec l'assurance, puis la personnalité et tout ça. Je vais te prendre 3 exemples de filles qui ont à peu près mon âge, il y en a une que je trouve de plus en plus belle, puis il y en a deux qui me disent plus rien, alors ils me faisaient triper dans le temps. Ah ouais? Quand j'étais petit, je tripais sur Caroline Navernas. Là, elle me dit plus rien. Je tripais sur Karine Vanasse, elle me dit plus rien. Puis là, Isabelle Desjardins, là, en dedans de 3 ans, c'est la deuxième fois qu'elle fait la une du summum. Là. Je regarde les photos là, je la trouve encore plus belle que je la trouvais dans le temps. Ah, ouais. Parce que c'était le numéro le plus vendu du summum, puis elle va reprendre son propre titre. Ah, je souhaite bonne chance. Mais je te dis pas qu'elle devrait se faire poser une paire de seins à la Marie-Claude Bourbonnais. C'est pas ça que je te dis. Là. Mais... J'espère que non. D'après moi, c'est quoi? C'est du B qu'elle a, d'après moi. Là. Ouais. Pas plus que ça. Là. Un bon B, un beau B. Tu vois, des filles à petits seins qui s'en sont faites poser dans les dernières années, puis ça paraît pas tant, c'est Cameron Diaz. Cameron Diaz, qui a jamais eu une forte poitrine là, dans la dernière année. Elle n'avait pas besoin non plus. Non, mais elle l'a fait, puis je pense qu'elle s'est fait poser un A. Ça paraît presque pas. En bikini, tu vois un peu la forme, mais... Je m'adresse directement à Isabelle Desjardins. Ouais. Moi, je te prends tel que t'es. Toi, tu serais preneur. Hein? Oui, tel que t'es. Ah, je te dis pas que c'est un pichou, là, mais je te dis, il manque peut-être juste ça. Là. T'sais, c'est peut-être que j'exagère. T'es-tu plus un gars à seins ou à fesses? Ah, plus à seins. OK, ça explique plus, peut-être. Oui, plus à seins. Puis là, il y a un expert en seins refaits que je nommerai pas, qui me dit que il en a déjà essayé. Je sais même pas à qui tu parles. Il dit qu'il a déjà essayé ça. Et il dit que c'est juste beau dans un T-shirt, des seins refaits. OK. Au toucher, c'est pas super... C'est pas si hot que ça. Là. Non, c'est comme je te dis. J'ai l'impression que j'ai eue lors de mon contact... De ton test? De mon test... c'est qu'à la limite, ça fait plus ou moins partie de la fille. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je filais rien. Je sens que c'est artificiel. T'sais, moi, je suis un gars, là. Je touche à des seins, ça m'excite, là. Ouais. Mais ces seins-là, je regarde, de bikini, là, c'est beau, là, puis c'est de la belle job, c'est du bel ouvrage. Ah, oui. C'est une œuvre d'art, mais j'ai pas... Moi, personnellement, j'avais vraiment pas le même feeling. Ça m'écœurait pas, mais ça m'excitait pas. Est-ce que la fille, elle, a autant de feeling? Non. Après l'intervention, c'est hyper sensible pendant un bout. Pour d'autres raisons. Puis après ça, tu perds de la sensibilité. Oh non, regarde, puis regarde, oui, là, c'est ce qu'on m'a dit, là. Tout ça est à vérifier, là. Ouais, c'est ça, là. Ouais. À moins d'être scrappé par la vie, je perdrai pas la sensation au profit d'un plus gros décolleté. Là. Ouais. Il me semble. En tout cas. Les filles, souvent, vous complexez. Mon message global, là, au-delà du fait que Jérôme pense qu'Isabelle Desjardins devrait se faire poser les boules, oui, là. Effectivement. Les filles, souvent, vous complexez vraiment des maudites niaiseries, puis on vous trouve belle comme vous êtes. Bon, vous avez pas besoin de ça. Ça peut être beau, mais tu sais, elle, si elle veut, mettons, faire une carrière à poser des revues, parce qu'elle, la carrière, je sais pas ce qu'elle fait exactement. Là, qu'est-ce qu'elle fait, là, Isabelle Desjardins? Oui, plus tranquille. Est-ce à Musique Plus encore? Il me semble que je l'ai vu là, il y a pas si longtemps. C'est dur de savoir ce qui se passe à Musique Plus. Mais ça veut faire la une du summum à tous les mois. Moi, je suis preneur, là, j'achète. Là, toi, t'achèterais le calendrier 12 mois, Isabelle Desjardins. Isabelle Desjardins, oui. Comme l'Anna Kournikova dans le temps que j'achetais fièrement. Là, ouais. Rich, as-tu déjà essayé ça, toi, des faux seins? Il dit oui. Ah oui? Ah oui? Puis, thumbs up ou thumbs down? Thumbs up, OK. deux pouces en l'air. Ah ouais, deux thumbs up. Toi, Jérôme, okay. T'as jamais rencontré ton chemin? Non. Là, les seins refaits que t'as touchés, là, c'est pas sur toi, là. C'est des seins de filles, là. Des vrais... Ouais, OK, c'est bon. Sur une fille, là. Sur une fille. Pas juste des implants en dehors d'un corps, hein. On niaise notre chum Rich. Hey, 8h25. On fait une pause. On est rendu là, hein? C'est parce que passer des seins aux dinosaures de la ville de Québec, je trouve ça indécent.